Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Cinquième épisode, il n'y a pas d'homme libre sans femme libre. Sur le plan militaire, après l'échec des milices à Majorque, les factieux gagnent du terrain. Ils approchent de Madrid. Le nouveau gouvernement républicain refuse toute aide à Malaga, où prédominent les anarchistes, la conduisant à une fin terrible. Les Asturies se défendent, mais prisonnières des tenailles qui se referment sur elles, leur combat semble sans espoir. Les syndicats seuls continuent à armer les miliciens, combattant à Tolède et à Guadalajara. Avec l'instauration du communisme libertaire en Espagne, il est question de supprimer l'État, la propriété privée, l'argent et le mode capitaliste de production. Mais on veut aussi sortir à tout prix de l'étouffoir physique et moral que l'Église a institué depuis des siècles. La CNT fut pendant les années 30, davantage qu'un organe de défense, la pièce maîtresse d'un réel projet d'émancipation sociale. Autour d'elle gravite une galaxie libertaire impressionnante, faite d'associations multiples et variées, les Athénées. Elles s'occupent dans les quartiers-villages tant d'alphabétisation que de culture, de morale sexuelle ou de propagande végétarienne. Un des premiers actes du communisme libertaire est de fonder des bibliothèques pour enfants et adultes, et surtout des écoles autogérées par les enfants mêmes. Le bouleversement économique et politique devait donc, pour les anarchistes les plus conséquents, mettre à l'épreuve quantité d'idées et de projets relatifs au nécessaire changement de mœurs entre les hommes et les femmes. Et ce n'est pas la moindre des originalités du témoignage de notre Italo-espagnol que d'évoquer comment ses espérances résonnaient en lui. Tous les observateurs ou participants des débuts de la Révolution espagnole l'ont constaté. Les femmes font leur apparition dans les villes, les campagnes, les colonnes, se mêlant de tout et notamment de politique, signe que des bouleversements profonds sont vraiment à l'œuvre. Sur le front comme à l'arrière, la présence d'hommes et de femmes étrangers, plus détachés de l'emprise machiste que leurs camarades espagnols, instillera tout particulièrement un climat de familiarité entre les sexes. On a vu en quelles circonstances Jiménez évoque son éducation française. Les jours passaient et la colonne ne quittait pas les rives de l'Èbre. La collectivité s'était organisée. Les paysans, Pina étant une commune exclusivement agricole, labouraient et semaient, préparaient la prochaine récolte. Beaucoup de miliciens se joignaient aux équipes pour passer le temps et ne pas perdre la main. La journée de travail était de 8 heures. Le soir, les paysans se réunissaient au siège pour faire le compte-rendu des travaux effectués dans les champs et établir le programme qui serait réalisé le lendemain. Pour rentrer chez moi, la maison de Tia Pasquale était devenue la mienne, je passais presque tous les soirs devant la salle de réunion. Une fois, mon attention fut attirée par des éclats de voix. Je m'arrêtai, essayant de comprendre la cause de cette discussion orageuse. Quelqu'un survint, et voyant qu'il allait entrer, je lui demandai la raison de tout ce bruit. Il me répondit qu'il n'en savait rien, étant lui-même en retard, et il me pria de le suivre. En voyant rentrer un étranger à la réunion, le silence se fit. Je m'excusai en expliquant ce qui s'était passé, et je me tournai vers la sortie. Un concert de voix m'arrêta. « Restez, ne partez pas, asseyez-vous !» Quelqu'un me prit par le bras, un autre avança une chaise, et je me retrouvai assis à la table du secrétaire comptable de la collectivité. Celui-ci me donna les raisons de la discussion et me demanda de trancher le différend. On n'était pas d'accord sur le nombre de sacs de blé rentrés au dépôt pendant la journée. Il y avait une différence, il manquait 2 sacs. Son opération était juste, il en était sûr. On retrouva l'erreur, un chiffre mal écrit. On avait pris un 8 pour un 6. Il faut reconnaître que 95% des ouvriers et paysans espagnols étaient analphabètes. Quelques-uns savaient écrire leur nom, mais c'était tout. Par contre, presque tous savaient compter, sans besoin de crayon ni de papier. Pour les 4 opérations élémentaires, ils avaient une machine à calculer dans le cerveau. On organisa les écoles, pour ceux qui voulaient apprendre à lire et à écrire. Les cours avaient lieu le soir après le travail. Vous pouvez croire que c'était un spectacle étrange. Et pourquoi ne pas le dire, émouvant. Ces hommes étaient penchés sur leurs livres, attentifs à épeler l'alphabet, ou essayant de bien tenir entre leurs doigts calleux le frêle bâtonnet de la plume, que le poids de leurs mains, habitués à manipuler les lourds outils des champs, écrasait sur le papier. Certains paraissaient très vieux. Le travail de la terre avait durci les mains, voûté les épaules. La misère avait creusé leurs joues, ridé leur front. Ils n'avaient peut-être plus que quelques années à vivre, et pourtant ils venaient tous les soirs, après une journée de labeur, s'asseoir au banc de la classe. Parfois, au hasard d'une réunion, on improvisait une conférence. Parmi les miliciens espagnols se trouvaient quelques instituteurs, et des étudiants, qui, lorsque l'occasion se présentait, se transformaient en orateurs pour exposer leurs idées ou leur façon de concevoir la vie. Il y avait à la 2e centurie un jeune maître d'école qui avait exercé à l'école moderne de Francisco Ferrer à Barcelone. Il avait la parole facile et aimait parler de tous les sujets possibles pourvu qu'il puisse intéresser ses auditeurs. Un soir, on lui demanda de parler du mariage et de l'amour. La salle était comble. Les jeunes y venaient volontiers, car on riait, on blaguait, tout en discutant de choses sérieuses. Je me souviens à peu près de son discours. D'autant mieux que ce sont des idées que j'avais à l'époque sur la question, et qu'elles n'ont pas changé au fil des ans passés. L'orateur débuta ainsi. Camarades! Je demande pardon d'avance à ceux qui seront choqués par ce que je veux vous dire. Le mariage, institution vieille de plusieurs millions, j'allais dire d'années, mais du moins ce qui est plus près de la vérité, de quelques dizaines de siècles, depuis l'avènement du christianisme. Le mariage donc, dans sa forme actuelle, c'est le tombeau de l'amour. La femme doit obéir au mari, se soumettre à sa volonté, car il est le maître. En échange, il est chargé de la nourrir et de la défendre, comme il doit défendre son bétail, car elle est sa chose, elle lui appartient. Je parle pour toutes les femmes, aussi bien pour celles qui sont nées dans un berceau doré que pour celles qui reposent depuis leur premier vagissement sur ses grabats. Dans cette société que nous voulons détruire, le prolétaire se marie souvent pour avoir une bonne le jour, une femelle la nuit, et pour perpétuer la race des esclaves et des miséreux qui traînent leurs savates sur tous les chemins du monde. Et ceci pour le plus grand bien des classes dominantes qui nous écrasent. Les femmes du peuple, usées par le travail, affaiblies par une nourriture insuffisante, déformées par des grossesses trop rapprochées, sont vieilles à 30 ans. Vous ne me croyez pas? Regardez autour de vous. Oui, je sais ce que vous vous dites. Une fille doit se marier. Une femme sans mari est une plante sans feuilles, un arbre sans fruits. Et pour échapper à la tutelle du père ou des frères, en espérant conquérir un peu de liberté, vous êtes prête à vous donner en échange d'un nom. Non, je suis contre toutes les prostitutions, même celles qui sont légalisées par le maire et bénies par le curé. C'est à cause de ces préjugés qui nous viennent du fond des âges et des époques lointaines que la femelle de l'homme, alourdie par la grossesse, affaiblie par l'accouchement qui l'empêchait de se procurer de quoi survivre, a eu besoin de quelqu'un qui puisse chasser, pêcher, grimper aux arbres pour la nourrir, la défendre, elle et son rejeton, contre l'attaque des fauves, si cela était nécessaire. Elle fut alors obligée d'admettre la rude loi de la nature qui ordonne de tout accepter pour que l'espèce survive. Et l'espèce a survécu. Au fil des générations, l'humanité s'est multipliée, a envahi le monde, a inventé la machine, dompté la foudre, domestiqué le feu. Le mâle a imposé la loi du plus fort et a fait de la femme un bibelot, une servante ou une bête de somme. Elle fut conditionnée par des siècles de soumission d'une telle façon qu'aujourd'hui encore il existe des pays où l'homme achète sa femme, où des parents troquent leur fille contre marchandises, bétail ou toute autre denrée. Dans notre société soi-disant civilisée, on arrange souvent, pour ne pas dire toujours, des unions où seuls comptent les propriétés, les capitaux, la richesse des parents et nullement les penchants affectifs des fiancés. Si un homme a plusieurs maîtresses, on dit de lui avec admiration, c'est un rude lapin. Si une femme a un amant, on dit d'elle, c'est une putain. Je réclame pour la femme, pour toutes les femmes, les mêmes droits que ceux que nous avons, nous les hommes. Je réclame, pour la moitié du genre humain, le droit à la liberté de l'amour, à la libre maternité. Le succès fut assez mitigé, surtout parmi les plus âgés du sexe masculin. En Espagne, les filles étaient loin d'avoir la liberté de leurs sœurs de France ou d'autres pays d'Europe. Pour ne pas choquer les parents, elles se taisaient. Les garçons et les hommes mûrs discutaient ferme, les uns pour, les autres contre. Quelques femmes se mêlaient au débat. On posait des questions à l'orateur. On lui demanda quelle serait sa réaction si, dans le cas où il était marié, il apprenait que sa femme avait un amant. Écoute, amigo, si ma femme est aussi une libertaire, donc a le même respect que moi pour sa liberté et pour la mienne, et qu'elle me confiait son désir de coucher avec un autre homme, en me donnant les raisons sentimentales ou physiques, on déciderait ensemble de la conduite à tenir. Si mon épouse ne partage pas mes idées, elle ne me dira rien. Et si je l'apprends, il faudra que je me pose des questions. Primo, est-ce que je ne satisfais pas ses besoins érotiques? Si c'est ça, il est juste qu'elle aille chercher ailleurs ce que je ne peux lui donner. Un exemple. Je t'invite à dîner chez moi. Lorsque tu t'en vas, t'as encore faim. Faut-il que je me fâche parce qu'en sortant de chez moi, tu vas t'acheter un sandwich? Non, n'est-ce pas? Les nécessités sexuelles sont comparables aux besoins nutritifs. Elles varient selon les individus. Il y en a qui ont un gros appétit et d'autres qui, avec très peu de choses, sont rassasiés. Donc j'ai juste le droit de me taire. Tout au plus, je pourrais lui reprocher de ne pas m'avoir prévenu. Secondo, elle cherche un amant pour assouvir ses envies matérielles nécessaires ou superflues. C'est encore de ma faute, car je n'arrive pas à gagner suffisamment d'argent pour qu'elle puisse se procurer ce qu'elle désire. Dans les deux cas, quelle doit être ma conduite? Dans le premier cas, je n'y peux rien. La nature ne m'a pas fait assez fort pour la combler. Je serais un fief et salaud si, profitant du pouvoir que me donnent la loi écrite et les mœurs, si je voulais l'empêcher de s'épanouir dans le plaisir de la chair pour une simple question d'amour propre. Dans le deuxième cas, que pourrais-je faire? Me taire et accepter? Non. Car je profiterai, à mon corps défendant, certes, de sa beauté, de son élégance, de son luxe. Mais je me sentirai moralement l'égal des maquereaux, des souteneurs, qui vivent du travail des prostituées, comme les capitalistes de celui des ouvriers. Car la prostitution est le plus vieux métier du monde. alors je la quitterai, pour grande que fussent l'affection, l'amour et l'amitié que j'aurai pour elle. Et tu ne connais pas la jalousie ? Si, je suis jaloux de mes maîtresses. Avec elles, aucun contrat ne me lie. Seule la recherche du plaisir érotique nous unit. Il est naturel que, lorsque ce plaisir diminue ou disparaît, on se quitte pour chercher ailleurs, avec d'autres partenaires, cette jouissance qui est, par loi naturelle, nécessaire à l'équilibre psychique de tout être humain. Je suis jaloux de ma maîtresse, car j'ai horreur du mensonge et de l'hypocrisie. J'ai horreur du mensonge gratuit, inutile, que l'on fait seulement pour le plaisir de cacher à notre entourage ce qu'on a fait. Comme si on croyait ne pas avoir le droit de le faire. Comme si nous n'étions pas libres et responsables de nos actes. Dès le commencement de sa réponse, le silence s'était fait. Une jeune femme s'était approchée de lui et l'écoutait, sans le quitter des yeux. Dolores, une jeune femme d'environ 25 ans, couturière de son état, lui demanda « Pedrito, que penserais-tu d'une femme qui te dirait ici même « je t'aime » ?»« Je penserais que c'est une femme intelligente et libre. Je penserais qu'elle est de beaucoup en avance sur son temps. Et pour cela, j'aurais de l'admiration et du respect pour elle, même si, au lieu de s'adresser à moi, elle avait parlé à un autre. C'est ça que tu voulais savoir ? Oui. Mais aussi, quelles seraient les motivations qui l'auraient poussé, elle, à faire cette déclaration ? Celles-ci sont multiples. Toi, tu pourrais les énumérer aussi bien que moi. Généralement, ce sont les mêmes pour l'homme et pour la femme. Le désir, la curiosité de savoir comment réagit un individu dans une situation particulière. L'envie de connaître la puissance virile de l'être choisi. Et tout ça peut se confondre, en dernier ressort, avec l'amour qui nous pousse tous à vouloir croire que nous cherchons le bonheur de la personne aimée. Alors qu'en réalité, nous ne recherchons que l'épanouissement de notre personnalité subconsciente. Et nos conceptions, étant presque toujours différentes, se choquent, s'opposent, s'affrontent. Et c'est l'enfer conjugal, avec ses sanglots, ses plaintes, ses grincements de dents. D'où la nécessité de se séparer, d'aller franchement chercher ailleurs la réalisation de nos aspirations, la matérialisation des chimères qui nous hantent. Alors, tu ne crois pas à un amour qui dure toute une vie ? Oui. S'il est basé sur la franchise, la compréhension, la tolérance de toutes ces choses qui peuvent diviser un couple. Différence de goût, matériel ou esthétique, d'aspiration intellectuelle ou morale. Il est très rare que deux personnes ayant les mêmes goûts, les mêmes aspirations, se rencontrent pour former ce qu'on appelle « famille ». La conversation ne se termina que fort tard. Tous ceux qui devaient reprendre le travail le lendemain étaient partis se coucher depuis longtemps déjà. Voyons de plus près comment la question du rapport entre hommes et femmes est abordée dans la révolution en cours. Dans le récit, Jiménez évoque un instituteur qui s'enhardit à réclamer pour les femmes les mêmes droits que pour les hommes, signe que cet état d'esprit n'était pas très répandu dans l'Espagne des années 30, même si le théoricien anarchiste Anselmo Lorenzo avait écrit en 1872 que « la femme est un être libre et intelligent » et en tant que telle, elle est responsable de ses actes. Dans ses mémoires, Abel Paz évoque un hameau de la province de Lérida où les femmes se retrouvent à tous les postes de l'activité collectiviste. Et à Barcelone, il a pour amis de jeunes femmes anarchistes qui s'investissent complètement dans la lutte et ne sont pas les dernières à critiquer la politique de la CNT et de la FAI. Mais d'autres militantes estiment que l'émancipation de la femme ne résultera pas mécaniquement de la révolution sociale et qu'il faut engager une lutte spécifique. Le groupe Mujeres Libres est né en décembre 1934 et la revue du même nom est fondée en avril 1936 à Madrid. Jusqu'en 1939, 20 000 femmes animeront ce mouvement et publieront 13 numéros de la revue. Cette organisation féministe veut amener les ouvrières au mouvement libertaire espagnol et revendique la libération des femmes vis-à-vis du capital, du patriarcat et de l'ignorance, dans le cadre plus large de l'émancipation de la classe ouvrière. Les intellectuels et les ouvrières qui l'animent s'investissent totalement dans la révolution, tant au front que dans les usines, les collectifs d'éducation et de formation, les réseaux de solidarité. Elles deviennent rapidement une force propositionnelle et analysent dans leurs rapports et leurs congrès les enjeux de la guerre, du pouvoir, des oppositions politiques et syndicales. Mujeres Libres constitue un mouvement convergent et autonome, mettant les militants anarchistes face à leur propre incohérence. Ainsi, ils se plaignent que les femmes ne soient pas assez combatives, mais leurs propres épouses n'assistent jamais aux réunions politiques et syndicales. On peut imaginer qu'elles auraient aussi souligné, dans le discours de l'instituteur, la contradiction suivante. Après avoir critiqué le traditionnel rapport de protection et de dépendance entre mari et femme, il trouve normal que dans le cadre de relations émancipées entre les sexes, ce soit encore l'homme qui ramène l'argent au foyer. Or, dans l'argumentation de Mujeres Libres, il est central que la femme soit considérée comme un individu à part entière, ce qui implique qu'elle puisse subvenir à ses besoins si elle vit seule, ou participer aux revenus du ménage, rompant ainsi autant que faire se peut avec la division du travail et des rôles entre les sexes. L'accès au travail est certes l'un des biais par lequel la femme sort de la sphère privée, contribue à son émancipation sociale et se dégage de son sentiment d'infériorité, mais est-ce suffisant ? Question subsidiaire et éternelle. Peut-on réduire l'activité humaine au travail ?